la vieille maison jaune. Le bonheur nous atteint. Sont partis les fantômes pour faire place aux enfants. De tortue, un gros caillou qui traverse le temps dans une dimension inconnue. Bien à l'abri des villes et du rythme essoufflé. Un nid pour la famille, les petits et les grands. Du temps pour vivre au bout de soi. Avec le présent, comme un cadeau en poussière, pays de l'ici maintenant, si peu.